commence à faire des sous du soir jusqu'au matin. Il a pas le temps pour les embrouilles et les catins. Il sait que personne sera là pour prendre ses patins. Et qu'une bastance pourrait faire de lui un cadavre. Mais pour lui, tant que c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Il aimait voler tout ce qui peut se dégrave. Il était cool avant de commencer à bédave. Il avait ses potes, sa meuf et son petit taf. Il veut pas de la misère, il va charbonner. Ouais, il a dû s'y faire pour faire de la monnaie. 1002 c'est son salaire, il se met à voler. 2-3 magots et rien de quoi s'affoler. Il a pas d'équipe, juste un pote qui chôme. Mais pourtant il rend du bif à la zone. Il en a foutu quelques fois dans son nez. Il attend pas l'hiver pour mettre un bonnet. Mais rien que lui dit que la drogue va le détruire. Le rendre pourri et schlagué. Et que la rue va le maudire. Petit à petit il le délaisse. Et ça pour son poteau c'est dur. Il arrêtera pas le business. Mais diminuera la drogue dure. Par l'illicite c'est fait séduire. Pendant que lui trouve à sa nana. Elle lui a serré la ceinture. Présentation à la mama. Il lui a donné de l'attente. Elle lui a donné son accord. Il lui a donné de l'amour. Elle a abordé son enfant. La première chose qu'il a fait, descendre au quartier histoire de rechercher son pote qu'il a lâché à l'époque où il y avait sa petite gauche chargée. La situation a changé, commence à fumer pour se soulager. Au taf il a craqué la raison, son patron l'avait trop cherché. Il pense à faire des sous du soir jusqu'au matin. Il a pas le temps pour les embrouilles et les catins. Il sait que personne sera là pour prendre ses patins. Et qu'une bastance pourrait faire de lui un cadavre. Mais pour lui tant que c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Il aimait voler tout ce qui peut se dégrave. Il était cool avant de commencer à bédave. Il avait ses potes, sa meuf et son petit taf. Comme quoi tu vois mon gars, une vie peut changer. À cause d'un mauvais choix, la balance est penchée. À cause de la fierté, le brolic est chargé. Une histoire d'amitié qui finit en sachet. Pour un cachet, jeunesse cachée. Son poteau s'est vengé, fini attaché. Les délires du passé à jamais effacés. L'appât du cœur, ça fait changer. L'ingratitude prend le dessus. Est-ce que l'être humain est mauvais? Qu'est-ce que la rue nous rend têtu? Il le voyait comme un frère, au final il finit déçu. Il a volé ses affaires, donc il s'est fait tirer dessus. À faire des sous du soir jusqu'au matin. Il n'a pas le temps pour les embrouiller les gâteaux. Il sait que personne sera là pour prendre ses patins.